France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Dandy, ce mot qu'il nous est arrivé à tous d'employer et d'entendre lancer comme une condamnation ou au contraire, parfois avec une pointe d'admiration, que recouvre-t-il ? Qu'est-ce au fond qu'un dandy ? Qu'est-ce que le dandysme et qui fut dandy, puisqu'il semble bien que l'espèce s'est éteinte depuis longtemps ? Paraître, c'est être pour les dandys, disait Barbet de Revilly. Mais si l'habit ne fait pas le moine, il ne fait pas davantage le dandy tout entier. Le dandysme est le dernier éclat d'héroïsme dans les décadences, écrivait Baudelaire, mais de quel héroïsme parlait-il ? Pour en savoir un peu plus long sur le dandysme, et peut-être ensuite avoir envie d'en découvrir encore un peu plus sur un sujet pouvant vite se révéler passionnant, l'émission qui va suivre est toute recommandée. En 1972, pour avoir publié depuis peu « Le mythe du dandy », Émilien Carassus était invité à parler de son livre et du dandysme par Pierre Barbier dans la Tribune des critiques, en compagnie de Luc Estan, Hubert Juin et Stanislas Fumet. Émilien Carassus, qui fut notamment l'auteur d'une thèse importante sur le snobisme et les lettres françaises de Paul Bourget à Marcel Proust. Tribune des critiques, le mythe du dandy, une émission diffusée la première fois le 8 mars 1972 sur France Culture. La collection U2 d'Armand Collin vient de publier « Le mythe du dandy » d'Émilien Carassus. Je trouve qu'il était excellent de faire paraître dans une collection, une sous-collection plus exactement, qui examinera un certain nombre de mythes, le sujet du dandy. Dans votre introduction, M. Carassus, vous montrez combien il est difficile d'approcher ce problème du dandy. Du dandy et du dandysme, en fait. Je crois qu'il est très difficile de l'approcher parce qu'on peut situer le phénomène du dandysme sur plusieurs plans. On peut le situer sur le plan mythique, et c'est justement ainsi ce qui justifie le titre du livre. Mais il est évident que le plan mythique est lui-même en relation avec un plan historique. Il y a des dandys réels, on a beaucoup écrit sur ces dandys réels, et il est évident qu'il n'y a pas toujours correspondance entre le dandysme mythique et le dandysme, disons, historique. À quoi il faut ajouter également le dandysme littéraire, dans la mesure où il y a des dandys dans les œuvres littéraires, et dans la mesure aussi où une certaine écriture peut relever d'une forme de dandysme. Alors, je crois qu'il faut tout de suite préciser pour nos auditeurs que tout de même, ce problème du dandy et du dandysme, ça, n'est pas un problème qui est tellement éloigné de nous, en ce sens que tout de même, des gens comme Sartre, comme Camus, ont écrit sur le dandy. Et c'est tout de même une chose qui actualise un peu, si vous voulez, le problème. On a un petit peu tendance à se référer un peu facilement uniquement à des dandys du 19e siècle. Mais il y a là une raison historique, bien sûr, et que vous allez nous dire certainement. Le problème est évidemment de savoir dans quelle mesure le mythe du dandysme est actuellement encore vivant. Or, il est certain, vous parliez tout à l'heure de Sartre, de Camus, mais il est certain que les surréalistes aussi ont contribué un petit peu à donner une certaine ampleur au dandysme. Par conséquent, il y a un certain dandysme, un certain goût du dandysme qui peut être encore vivant de nos jours. Mais je pense que, si vous voulez, dans les circonstances sociales, historiques, contemporaines, le dandysme ne peut plus avoir les mêmes formes, ne peut plus correspondre exactement à ce qu'il était au 19e siècle. Hubert Juin. Oui, il y a une chose qui me paraît très importante dans les propos d'Émilien Carassus, c'est lorsqu'il montre très bien comment le dandy peut se situer, je parle des dandys qui existent, qui ont vécu, peut se situer à un moment donné de l'évolution de la société. C'est au moment où la démocratie est encore faible et où l'aristocratie cesse d'être forte. Donc dans ce milieu qui est pratiquement de déséquilibre, le dandy trouve, d'une façon évidente, son terrain de chasse, si l'on peut dire, ou en tout cas sa raison d'être. Il est évident aussi qu'à la fin de son livre, Émilien Carassus fait une allusion aux hippies, n'est-ce pas ? Alors, il est évident que nous pourrions éventuellement trouver un reflet dandistique chez les hippies, mais il s'agirait quand même de tout autre chose que ce que vous tentez, Monsieur Carassus, dans ce livre, d'approcher. Maintenant, je crois qu'il est absolument nécessaire de donner une sorte de définition, tout de même, du dandy ou du dandisme, pour que les choses soient bien claires. Bien, justement, il m'est très difficile de donner une définition. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, l'approche de mon livre se fait par une série d'attitudes. Ouais. Et c'est justement, je crois, dans l'ensemble de ces attitudes qu'apparaît le phénomène du dandisme. Au début, je donne des définitions dont l'une est péjorative, celle de littré, puisqu'il s'agit d'un élégant ridicule, et une autre définition plus récente, celle du dictionnaire de Robert, je crois, oui. Qui définit le dandy comme un élégant sans la notion péjorative. Mais il est évident que ni l'une ni l'autre de ces définitions ne sont satisfaisantes. Pour moi, le dandysme se définit dans la mesure où on le voit à l'œuvre, dans la mesure où il se confronte à certains problèmes vitaux, ceux du travail par exemple, ceux de l'amour, celui de la révolte, n'est-ce pas ? Et ici nous revenions Camus dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce qu'il y a la révolte, incontestablement, il y a une espèce de bohème doré qui est un peu en marge du dandysme. Qui est un peu en marge du dandysme. On peut être un dandy pauvre quand même, oui. Barbé d'Orvilly. Oui, oui, oui, bien sûr. Oui, mais enfin, il est suspect. Non, est-ce que je viens de dire quelque chose ? Je voudrais personnellement souligner l'agrément de la lecture du livre de M. Carassus. Et quand je dis agrément, c'est non pas seulement parce que ça couvre tout, enfin que même ceux qui ont eu une idée de la question à travers Barbé d'Orvilly, justement, puisque avec Baudelaire, enfin, il est l'un des créateurs du dandysme, du mythe, précisément, mais par des bonheurs d'expression constantes. Et puisque nous étions à la recherche, enfin par lui-même, d'une espèce de définition, il en donne une, me semble-t-il, dès son introduction, à partir de quoi on peut construire, et en établissant bien la distinction justement entre les dandys, qui sont des personnages réels, puis ce qui est l'objet même du livre, le mythe du dandy, plus précisément le dandysme, qui a été quelque chose de bien au-delà des personnages qui ont représenté des dandys, étant entendu qu'il en va là comme de beaucoup de choses, et par exemple les signes astrologiques où on n'est jamais un pur représentant de ce signe. Mais pour en revenir à la définition, il y en a une, me semble-t-il, qui permet quand même déjà de déboucher sur tout genre. C'est quand il est question du dandy pour qui le paraître importe beaucoup plus que l'être. Bon, alors tout de suite on pense, enfin ceux qui n'ont pas encore lu le livre, qui n'ont même pas lu des livres traitant des gens de la question, vont voir enfin, la toilette, l'élégance, etc. Ça, c'est vraiment le paraître. Mais ça va bien au-delà de ça. Et tout l'intérêt du livre, c'est de montrer que, à travers telle ou telle attitude, car en effet, il s'agit d'approches successives, de portraits par petites touches, couvrant tout un champ d'investigation, mais enfin, le mythe proprement dit, le dandysme, va montrer que le paraître qui compte d'abord renvoie quand même à, disons, une manière d'être, et donc met en cause ce qu'on peut appeler une éthique. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais une éthique, une esthétique, etc. Alors, à partir de là, je crois qu'on va pouvoir, pour ceux qui, encore une fois, vont ramener la notion de dandysme à une pure question d'élégance, de toilette, qu'on va pouvoir essayer de définir, nous tous, comme ça, par petites touches, la démarche propre, justement, de M. Carassus, à travers des mots, à travers des attitudes, en effet, pour arriver, alors, à ce qui est pure construction, en quelque sorte, intellectuelle, auquel il a été fait allusion, qui est le dandysme littéraire. Et pourquoi ça ne peut plus être aujourd'hui, je crois qu'on dira pour finir, mais enfin, dans la conclusion de M. Carassus, les arguments me paraissent péremptoires. Stanislas Fumet. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est d'avoir commencé par Alcibiade. Et un texte de Plutarque, c'est très beau. Et Alcibiade, nous le connaissions parce qu'il avait coupé la queue de son chien. Il y a un conte là-dedans là-dessus qui s'appelle Sagacité d'Aspasie. C'est elle qui lui avait donné cette idée pour s'immortaliser. Divinité du Latin, je ne sais pas si ça existe ailleurs. Mais alors, qui est vraiment le dandy type. Et le dandy, dans ses moindres détails, c'est tout à fait extraordinaire, avec une seule page, évidemment il avait les possibilités que nous n'avons plus aujourd'hui, hein, mais alors il l'a réalisé magnifiquement. Il est plus dandy que Néron, qu'il est aussi d'une certaine manière. Alors, par conséquent, il y a dans le dandysme comment dirais-je, quelque chose d'indéfinissable, comme vous le laissiez entendre. Il faut le prendre de tous les côtés pour s'en faire une idée, faire une synthèse. C'est pas facile. Parce que il y a quelque chose de profondément psychologique qui est à l'origine du dandysme et qu'il n'est pas facile d'analyser. Et c'est Baudelaire, évidemment, qui l'a approché de plus près, mais en lui donnant une signification spiritualiste très marquée. Moi, je m'appelle, quand j'ai écrit notre Baudelaire, j'ai consacré un chapitre à Baudelaire sous ce titre « Le dandy intérieur ». Eh bien, effectivement, chez lui, ça va jusque-là. Chez les autres, non. Chez Barbe de Révy, non. Chez Barbe de Révy, même sa religiosité, n'est-ce pas, qui s'habille en dandy, n'est pas quelque chose de très convaincant. Tandis que chez Baudelaire, c'est très dramatique. Et j'ai pensé que, pour Baudelaire, par exemple, le dandysme était le stoïcisme au XIXe siècle. Et il y a cette phrase de Baudelaire, « Le stoïcisme n'a qu'un unique sacrement, c'est le suicide. » Et c'est à partir de là, d'ailleurs, qu'il a fait cette tentative de suicide. Donc ceci va très loin, et c'est tragique. Chez d'autres, c'est pas tragique. Chez Brummel, c'est pas tragique. Ce qui est dramatique, c'est la fin de sa vie, n'est-ce pas ? Mais c'est pas tragique, c'est normal. Tandis que chez Baudelaire, ça a été très profond, et ça l'a poussé à cette idée de la sainteté. Parce que pour lui, il y a cette phrase dans ce journal, « Un saint ou un héros pour soi-même ». Au fond, c'est pour soi-même. C'est le sens que prend le soi-même dans le dandysme, qui est extrêmement intéressant. Parce qu'on ne sait pas, ce n'est pas de l'orgueil, ça pourrait n'être que de la vanité, mais c'est quelque chose d'autre, c'est une défense contre l'opinion. Alors on peut dire que là, on est sous le fameux regard de Sartre, n'est-ce pas ? Et l'on comprend très bien que, comme Baudelaire, devant le jugement de Sartre, Sartre c'est le dernier juge de Baudelaire, il y a une espèce de crispation, et qu'il prenne cette attitude du paraître, précisément, et du paraître avec un vêtement. On se fait un vêtement, on aurait pu se faire une armure, tout ce que vous voudrez, pour échapper à l'œil du critique et de la populace en même temps. Oui, c'est pourquoi je dis d'ailleurs à un moment, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le livre, que justement pour éviter d'être médusé, ce qui fait allusion à Sartre, le dandy se fait médusant. Exactement. Et oui, parce que ça c'est important, parce qu'il y a l'autre aspect, effectivement. Si le dandy fuit les regards, c'est en s'offrant aux regards. Bien oui, entendu, parce que c'est à paraître qu'il dévoile perpétuellement. Et ça, c'est très important, me semble-t-il, parce que ça permet de montrer, je crois, le double mouvement aussi qui se passe chez les dandys historiques, n'est-ce pas ? Ce sont des provocateurs et respectueux de l'ordre. Ah, oui. Ce sont des provocateurs respectueux de l'ordre, ce qui est quand même un point très important. Et ce sont des gens qui, aussi, me semble-t-il, dans certains cas de dandysme de la fin du siècle, se déguisent également, si vous voulez, à l'intérieur, c'est-à-dire leur sentiment eux-mêmes. Il y a une phrase de Jean de Tinon, retrouvée dans des papiers intimes, que j'ai découvert dans un catalogue de libraires qui vendaient des papiers intimes de Tinon, et cette phrase était reproduite, et il dit « Je me suis habillé en 1830, je me coiffe de cette façon que d'autres trouvent extravagante, mais de la même manière, j'affecte mes sentiments et mes jugements littéraires. » Cela me paraît très important, cette provocation qui est en même temps un respect de l'ordre, et ce vêtement qui devient comme la doublure d'un vêtement, mais que l'on affecte de porter. Oui, je crois qu'il y a évidemment constamment un problème d'équilibre chez le dandy. Il est constamment sur une corde raide, c'est un funambule. Il y a cet équilibre que vous signalez entre le paraître et l'être, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un paraître indépendant de l'être. Mais dans la mesure où le paraître devient l'être, est un moyen de formation de l'être. Il y a cet autre équilibre dont vous venez de parler vous-même, entre une sorte de sincérité et d'insincérité, il y a un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, entre le social et l'asocial, on est perpétuellement pas sur une sorte de zone extrêmement dangereuse et menacée par conséquent de perte d'équilibre. Oui. Et le dandy cherche constamment à montrer un point de son paraître, n'est-ce pas ? Et à faire valoir ce point contre tous les autres. C'est cela. Et c'est pourquoi c'est extrêmement subtil. Du question. Oui, moi je vais abonder enfin, dans ce qui vient d'être dit, parce que ça fait partie des idées maîtresses qui m'ont frappé enfin, tout au long, et qui est d'abord enfin, une attitude, évidemment, de réaction et de provocation, mais à l'intérieur d'un certain ordre. Il y a contestation, pour employer un terme d'aujourd'hui, mais la contestation implique le respect. de cet ordre-là. Et c'est donc, pour reprendre la formule de Cocteau qui a pu être attachée plus ou moins légitimement à un certain dandisme, c'est la fameuse formule de Cocteau à laquelle du reste M. Carassus fait un sort, jusqu'où on peut aller trop loin. Et on voit très bien par les exemples, parce qu'il faut dire aussi que le livre n'est pas abstrait, il traite bien les problèmes à fond, c'est quand même à chaque instant ces fameuses touches des portraits que j'indiquais tout à l'heure, c'est à l'aide de petites anecdotes et de répliques très frappantes. Alors on voit par exemple pour le comportement, pour prendre l'un des prototypes de dandy qu'a été le fameux Brummel. Tout à coup, il dépasse la mesure. Il est perdu. Il peut se permettre des insolences incroyables à l'égard du prince de Galles jusqu'à un certain point. Par exemple, l'anecdote rapportée, le prince de Galles, ils étaient déjà en froid. Alors, le prince de Galles passe la revue, Brummel aussi, et Brummel fait semblant de prendre les saluts des soldats pour lui. Bon, il n'y a rien à dire. Mais alors, quand il demande au prince de Galles de sonner pour faire livrer... là, il fait la culbute, ça va pas. Également, pour les insolences de langage, on voit très bien que, tout à coup, même l'un qui pose au dandisme comme Bolide Castellane, eh bien, telle réplique, même, disons, spirituelle, elle a un grincement tel qu'elle n'est pas la pure insolence, en quelque sorte, gratuite du dandisme, mais que ça confine à la muflerie ou au cynisme, quand, par exemple, le mot est très drôle, pour la riche héritière qu'il a épousée, il dit « elle est très belle de dot ». Bon, mais c'est un peu trop, n'est-ce pas? En revanche, il y a des attitudes, et moi, peut-être parce que je suis français, mais enfin, beaucoup plus que Brummel, nous avons le comte d'Orsay, pas qui est là, avec un tas d'attitudes, et quelquefois sans parole. J'ai noté dans une réunion... un très riche financier perd une pièce de monnaie et s'accroupit pour chercher. Alors, le comte d'Orsay, lui aussi, s'approche, pas, et cherche en ayant allumé un billet de banque, pour bien éclairer. Il y a tout ce jeu, n'est-ce pas, et a priori, il me semble que ça devait être horriblement fatigant d'être un dandy. C'est une tension perpétuelle. Alors, la question que je me suis posée, qui va pour l'intériorité, je laisse un peu, cher Stanislas, les débouchés vers le spiritualisme. Oui, c'est très rare. C'est vraiment rajouté, n'est-ce pas, parce que ça fait partie du mythe. Ah oui. Ce qui m'apparaît très lié au mythe, c'est que le dandy fait sa morale, il fait son éthique. Ce sont d'autres valeurs. Et vraiment, comme on dit aujourd'hui, créer ses propres valeurs, bon, ben alors, comme il est dit, ça n'a aucune espèce d'importance de ne pas payer ses dettes, ça n'a aucune espèce d'importance d'être le pique-assiette n'importe quoi, n'est pas, qui est pas très joli d'un point de vue de la morale courante, mais pour lui, c'est vraiment enfin, une faute morale que d'une cravate mal nouée ou manquer d'un certain esprit de finesse, de tact, enfin, etc. Alors, du côté de l'intériorité, ce qui, moi, me préoccupe, c'est que, bien évidemment, ne peut pas être dandy qui veut. Et non pas seulement parce que le dandy pauvre... non, alors on va parler de Barbet d'Orville, mais ce n'est pas un vrai. Tous les autres, ils ont quand même eu un minimum au départ. Enfin, il faut un minimum. Enfin, il faut pouvoir s'habiller d'une certaine façon. Si vous êtes même avec toutes les aptitudes physiques voulues du côté de l'élégance et tout ça, si vous n'avez pas le premier fric pour vous habiller d'une certaine façon, bon, et puis pénétrer dans une certaine société. C'est bon. Cela. Alors, en dehors de ça, alors c'est la discussion. Je ne dis pas qu'ailleurs vous êtes péremptoire, mais c'est peut-être là que vous l'êtes le moins. C'est quand il s'agit de savoir, enfin, si c'est ou non plus ou moins commandé par, disons, une complexion d'ordre physique. À savoir, par exemple, pas, il faut que le dandy soit impassible. En littérature, il est bien évident que l'impassibilité qui lui donne beaucoup d'armes de Julien Sorel, ça ne fait pas de Julien Sorel un vrai dandy parce qu'il a quand même une espèce de passion, d'impulsivité. Bon, mais... il ne s'agit pas du tout là du fameux contrôle des passions, enfin des moralistes traditionnels. Il faut que ce soit ce qu'on appelle une espèce d'animal à sang-froid qui est constitué pour n'avoir aucune flamme. Et alors bon, après on tombe dans le domaine sexuel, enfin on tombe dans tout ça. Et c'est là, je crois, que je suis devant quelque chose d'opaque. Enfin, on peut très bien sociologiquement, comme vous l'avez fait, prendre les différents points dans l'ordre de l'esthétique, de la morale, tout ça. Mais alors, pour ce qui est de la complexion intérieure, et c'est là que le paraître nous renvoie à l'être, quel être c'est J'ai été troublé comme vous, Luc Estan, parce que je me suis dit à un moment donné, enfin, vous savez, on essaie de déblayer quand on voit un problème ambigu comme ça, on se dit, enfin, je voudrais bien trouver une définition, puisque tout à l'heure, je vous disais, donner une définition. Et elles sont toutes mauvaises, enfin, autant celle du Littré que celle du Robert que les autres. Et je me disais, mais c'est peut-être un narcisse. Eh ben non, c'est pas un narcisse. Ce n'est pas un narcisse, tout à fait. Dans le domaine de la psychanalyse, c'est pas un narcisse, tout à fait. C'est encore autre chose. Et c'est là qu'il y a une ambiguïté fondamentale. Je crois, M. Stanislas Humet, à propos du dandysme intérieur, et je rejoins Baudelaire, si vous voulez, qui répond un petit peu en partie à ce que vous dites tout à l'heure. Je suis persuadé qu'à l'origine, si vous voulez, la complexion du dandysme est la complexion d'un homme froid, d'un homme flegmatique. C'est pourquoi, d'ailleurs, ce sont les Anglais, réputés pour être flegmatiques, qui sont à l'origine du dandysme. Mais je crois que par la suite, si vous voulez, on a demandé au dandy autre chose en même temps. Et c'est ce que Baudelaire demande lorsqu'il veut qu'il y ait un feu voilé mais rayonnant malgré tout. C'est-à-dire que l'absence totale de sensibilité ne paraît pas valable. Il faut que ce soit une sensibilité qui n'apparaisse pas, mais qui recouvre comme une possibilité, comme une virtualité, un sentiment intérieur. Il faut qu'il y ait une sensibilité qui cesse de deviner sans jamais se montrer. Oui. Oui, c'est très, très exact. Et chez des gens comme Montesquieu, pour prendre quelqu'un d'assez près de nous, il est certain qu'il y a quand même, à l'arrière-plan, en tout cas le souci toujours, d'une certaine sensibilité. Maintenant, il y a aussi, vous parlez d'ambiguïté, qui est tout le temps dans le dandysme. Il y a une chose assez curieuse, c'est que c'est tout de même un peu un androgyne, et vous le dites aussi dans votre livre. Et ça, il n'y a pas douce. Il y a une espèce de coquetterie aussi dans cela. Une coquetterie à froid, mais une coquetterie quand même. Parce que le dandy est constamment devant un miroir, comme une femme qui se croit belle et qui regarde vraiment si elle l'est en ce moment. Et alors lui aussi, je ne sais plus qui le lui reproche, là, il est constamment à se regarder dans son miroir. Alors là, ça met encore quelque chose d'un peu étrange. En somme, c'est pas Don Juan. Quoique Don Juan a quelque chose de l'androgyne, n'est-ce pas ? Mais c'est tout de même pas Don Juan parce qu'il ne cherche pas la femme, le dandy. Il la considère d'en haut. Il aimerait la faire souffrir, alors comme Don Juan, certainement. Mais il revient tout le temps à lui-même. Alors on n'a pas l'impression. Don Juan se perd, je crois. Le dandy ne se perd pas. Il est tout le temps avec lui-même. Et en somme, il n'a qu'à mourir ainsi. Et que regarde-t-il, au fond ? Voilà, parce que l'histoire du regard est une chose très importante. Il regarde l'effet qu'il produit. Ça va plus loin, à mon avis. Oui. Je pense que là, nous rejoignons peut-être un peu le rôle contestataire affiché du dandy. En réalité, effectivement, un dandy, tout le monde l'a dit, il est ici. Et c'est juste, est un homme terriblement occupé. Oui. Qui passe des heures devant sa psyché, chez le coiffeur, ou à essayer des cravates. Il arrive à un résultat tel, lorsqu'il est satisfait de son paraître, que de se montrer indique aux autres hommes, occupés à de l'utilité, que le temps qu'il passe à faire quelque chose d'utile est du temps perdu. C'est une mise en accusation perpétuelle. Quand un dandy existe, tout ce qui est utile, tout ce qui peut justement gagner de l'argent ou des choses comme ça, doit s'effacer. Et il pense peut-être, lui, qu'en se montrant, il rend à la vanité le travail des hommes. C'est, je crois, très important. C'est une sorte de subversion des valeurs, et cela rejoint évidemment la situation historique, dans une certaine mesure, du dandysme. Puisque c'est à l'époque précisément où les valeurs bourgeoises, marchandes, se développent, au moment où Guizot va lancer son fameux « Enrichissez-vous ». C'est à ce moment-là que le dandysme développe une autre façon d'être, une autre attitude, qui elle consiste au contraire à perdre du temps, à refuser de produire, à refuser de s'insérer en quelque sorte dans la valeur marchande, et à simplement fonder sa valeur sur... justement ces valeurs féminines en quelque sorte, sur ces valeurs qui étaient en principe réservées aux femmes, à un paraître, à une coquetterie. Je crois que cela c'est extrêmement important, c'est peut-être un rôle subversif là que joue le dandysme. En même temps évidemment qu'il y a quelque chose que j'ai signalé, d'après le maître d'ailleurs, c'est une sorte de façon de se créer à partir de rien, qui me paraît évidemment extrêmement importante. Mais alors vous dites... Mais à la fin, je crois que c'est tout à fait même à la fin de votre essai, vous dites que le dandysme est lié à une société de type aristocratique qui s'accommode mal des turbulences du capitalisme contemporain, alors que nous sommes dans une période très mercantile. Par conséquent, cette subversion devrait réapparaître, n'est-ce pas ? Et dites-vous, encore plus mal des structures socialistes. Là, on comprend presque mieux, mais je comprends moins, si vous voulez, les turbulences du capitalisme contemporain qui sont à peu près du même ordre que ce qu'elles pouvaient être à la naissance du capitalisme, à la naissance de l'industrialisme, n'est-ce pas ? Ou alors, quid de cette subversion maintenant ? Qu'est-ce qui la masque ? Qu'est-ce qui la cache ? Je crois, si vous voulez, que les formes du capitalisme contemporain ne sont pas exactement les formes que celles du capitalisme naissant. Sûrement, environ de 1820-1830. Il restait une aristocratie. Il restait une aristocratie. Et la démocratie était un souhait. Oui, mais là, vous avez bien dit dès le début, c'est important, que c'est une aristocratie finissante. Parce qu'il est bien noté, n'est-ce pas, que dans une aristocratie proprement dite, où il y a une hiérarchie, il n'y a pas de place pour le vrai dandy, parce que le protocole est là. Il faut qu'il s'insère entre les deux, ce que vous avez fort bien noté tout à l'heure. Et alors, par rapport à la donnée capitaliste, c'est pas tellement ça qui me frappe, c'est pour prendre enfin vraiment ce qui est à l'ordre du jour dans l'autre langage, la société de consommation, avec tout ce que ça implique. Et ça, c'est ce que M. Carassus note finalement. Pourquoi le dandisme est-il impossible aujourd'hui ? On a essayé de faire des assimilations avec les playboys, par exemple, ou les vedettes à grand flafla. L'auteur le note, non, ça va pas, parce que nous sommes dans une société où il y a les masses médias. Par conséquent, le playboy, la vedette, même ayant grande toilette et faisant des excentricités, c'est livré en pâture à l'opinion automatiquement. Et il y a la tare commerciale qui est anti-dandy. Ensuite, même pour des questions d'élégance, simplement d'élégance, avec la société de consommation, il peut y avoir beaucoup de gens aujourd'hui, mais trop de gens justement, qui se piqueront d'une plus ou moins grande élégance, ça leur est accessible. Or, il fallait pour le dandy qu'il soit dans une société absolument fermée, qu'il ne soit pas livré vraiment à tout le monde, et que également, et c'est les choses auxquelles il pouvait accéder, ce soit très limité. Il y a l'histoire, enfin, une très belle histoire aussi pour montrer une attitude dandy, pas c'est de Brummel, je crois, enfin, écrivant à un gantier allemand, lui commandant je ne sais combien de paires de gants de telle et telle sorte, n'est-ce pas ? Couleur feuille morte. Alors, à votre main, fallait l'avoir petite sans doute, à votre main, ceci est un compliment, des réceptions, je réglerai la facture, ceci est un mensonge. Bon, on ne peut pas être à la fois plus vrai, plus impertinent. Maintenant, quiconque a les moyens pourra s'offrir toute cette gamme de dents. Ça n'aura plus du tout le même style. Et je crois que tout est là, c'est vraiment une affaire, on peut dire, de civilisation, et c'est quand même une civilisation très différente, même à l'enseigne du capitalisme, que celle de la société de consommation dans laquelle nous sommes, et disons, celle d'il y a un siècle et plus, où c'était le capitalisme naissant. Il y avait antinomie entre le grand tailleur et la société de la confection et du prêt-à-porter. Ce n'est pas possible, on vous trompe sur les matières maintenant, elles ont des apparences justement. Donc le dandy, là, ne peut pas revenir. Je sais bien, on dira, Brialy est un dandy, Boutier est un dandy. Non, ils peuvent avoir, pour séduire un public, des attitudes soi-disant dandistique, mais ce n'est pas vrai que ce soit des dandys. Il joue au dandysme, mais ce n'est pas ça. Alors, ce qui tout de même caractérise le dandysme, c'est qu'il était antisocial, et il était toujours pour la défense, la découverte de l'individu. Baudelaire disait, n'est-ce pas, il n'y a que des individus, et tout le reste lui semblait de l'illusion. Alors on voit très bien pourquoi l'individu essaie de trouver en lui ce qui est le plus intéressant à faire connaître aux autres, mais c'est toujours en les blessant lorsqu'ils sont communs, n'est-ce pas ? Et alors là, aujourd'hui, vous ne pouvez avoir, à mon avis, qu'un faux dandysme, parce que il n'aurait pas de forme, actuellement. Il n'y a pas de question. Surtout alors aujourd'hui, on s'habille n'importe comment, n'est-ce pas ? Et ça, c'est assez intéressant de voir que tout de même, il y a un désir de dandysme chez ces hippies. Je ne dis pas que ce sont des dandys, mais il y a un désir. Oui, mais justement, vous parlez de l'individualité. Or, il est certain que dans la mesure où l'individualité est laissée à une totale liberté, dans la mesure où, comme j'ai les hippies, si vous voulez, on peut prendre n'importe quoi pour s'habiller, où tout est valable, on n'est plus dans le dandysme, parce qu'on sort de cet équilibre entre la règle et le détail qui va justement, malgré tout, détourner la règle, donner une saveur particulière à la règle. Et puis, il est évident, je crois surtout, que l'attitude du hippie, enfin telle que je la conçois, à quelque chose de beaucoup trop spontané, si vous voulez, oui, par rapport au dandisme. Ou c'est par hasard qu'ils ont pris un costume bizarre. Que ce que montre, je crois, très bien Émilien Carassus dans ce livre-ci, c'est évidemment l'élaboration. Et c'est ça qui différencie, parce que je signale qu'Émilien Carassus a aussi consacré un livre précédant celui-ci, au snobisme dans les lettres françaises. Alors, là, c'est très important, parce qu'on voit à quel point le dandy est justement l'homme seul, alors que le snob est l'homme du troupeau. Vous parlez très très bien du snobisme et du dandysme, comme le disait Luc Estan, et je vois cette phrase. Tous deux accordent la plus grande importance au paraître, mais le dandy cherche à paraître autre, le snob à paraître parmi. Il ne s'en doute pas, le snob. Il ne s'en doute pas. Et il se croit dandy. C'était Le mythe du dandy avec Émilien Carassus, Luc Estan, Hubert Juin et Stanislas Fumet dans Tribune des critiques de Pierre Barbier, diffusé la première fois le 8 mars 1972 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.